Thank you. Thank you. le nom du morceau de Nougaro, s'il te plaît, là, cherche les paroles. Hi-ho. Oui, j'ai bien vu que c'était la mineur, fa, sol et mi mineur, j'ai bien vu. Juste savoir quel est le nom du morceau, déjà, j'essaie de me rappeler. vole sur les filles. Vole sur les filles. Embarque sur un île. Je suis dans ta vie. Je suis dans tes bras. Alexandra, Alexandra. Alexandrie où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Je boirai tout le Nil si tu ne retiens pas. Je boirai le Nil si tu ne retiens pas. De la rue Rougard. Fuck. Attends, attends, attends. Ah. Fucking auto-tune. Fucking auto-tune. Check it, baby. Check it in, baby. Fuck you. Shake it, baby. Shake it, baby. Shake it, move your hands, baby. Shake it, move your baby. Check it your body. Thank you. could see your last eye, if I could see you, if I could see your last eye, if I could see you, if I could see your last eye, if I could see you, if I could see your last eye, if I could see you, if I could see your last eye, if I could see you, if I could see your last eye, if I could see you, if I could see your last eye, if I could see you, if I. C'est mieux, non? Peut-être qu'il y a trop de réverb. Et voilà. Oh, Peter. Next. Next. Next. Next, next, next, next, next, next. Vas-y, chérie. Comment ça, tu vas te coucher plus tôt? Tabernacle. On continue. La la la la la. Effectivement, les Canadiens n'ont pas le droit de dormir. Du grand froid, ici il fait très très chaud dans les îles. Il doit faire au moins 38 à 40 degrés là. Et tabernacle, hostie comme vous dites, il fait chaud. It's hot. Eh oui, papounet, c'est ça. Something. I don't know, but play! You have some problem with your connection, with some noise. Ah, c'est bon. Ok, je crois que mon son clim il est bon. Accordé peut-être. Fuck. Un petit drum beat là, puis là ça va aller. Bonne nuit quoi. Bon, je vais mettre un drum beat là dans le. Ok, BPM c'est 100. Je t'embête. Ok, allez. 32 BPI, comme ça c'est plus long quoi. Deux mesures. Allez, on vote, augmente ta vote. Oh fuck. Un truc tout simple sur Logic Pro, hein. Faut pas me faire chier quoi. 32 BPI, 42 BPI, please. BPI, 42 BPI. Thank you. just